envoyer en l'air. Enfin mettre un terme au lien qui nous sert. S'éloigner du bord à contre-courant. Savoir qu'on a tort, ne plus faire semblant. Franchir les barrières, défaire tous ces liens. Laisser en arrière tout ce qui nous tient. Je plane en apesanteur. Je plane léger mon cœur. Je plane tout au fil des heures. J'aspire au bonheur, j'aspire au bonheur. Tirer un grand trait, respirer un coup sur notre passé, l'avenir en joue. Lâcher la pression, se sentir vivant. Quitter cette prison, tant qu'il en est temps. Laisser loin derrière, regrets et remords. Faire ce qu'on doit faire, avant qu'on soit mort. Je plane, en apesanteur. Je plane, léger mon cœur. Tout au fil des heures, tout au fil des heures. Je plane, j'aspire.